Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Le temps fort, art et humanité. Bonjour Christine de Proust, vous êtes sur scène pour un spectacle que vous allez nous présenter, All Inclusive, de Julian Hetzel, qui est le metteur en scène. Peut-être quelques mots de présentation de votre compagnie et de ce metteur en scène. Donc c'est un metteur en scène allemand qui a étudié à Amsterdam, c'est dans une école d'Azerts. C'est plutôt art plastique, ouais, c'est performance art plastique, mais son travail, il le fait plutôt sur scène, et notamment ce spectacle holistique, c'est pour moi ce que j'ai vu de lui, parce qu'on ne travaille pas toujours ensemble, c'est la première fois en fait, c'est le plus théâtral de ses œuvres en fait. Donc là, il y a vraiment un travail sur une scène, un public dans une salle, et ça change, le rapport change, donc ça reste un peu spécial comme spectacle, mais quand même, il y a une tribune et les gens sont dessus, donc là, c'est assez classique, quoi. Le sujet du spectacle, c'est autour d'une autocritique sur les mécanismes du marché de l'art, sur l'esthétisation de la violence et de l'horreur de la guerre, et aussi sur des logiques marchandes qui exploitent effectivement cette esthétisation. Oui, en fait, si j'ai bien compris de Julien, c'est venu de deux questions qu'il se posait. Donc, c'est un peu difficile de parler en son nom, mais quand même, ouais, on a beaucoup parlé là-dessus pendant la création. Mais une première chose, c'est que il y a les histoires de guerre, les histoires de violence que nous voyons d'ici et qui nous parlent et qui nous touchent. Mais il y a toujours la question, si on veut faire un travail dessus, est-ce qu'on peut travailler sur ces histoires qui ne nous appartiennent pas? Donc il y a un rapport peut-être d'exploitation si on va utiliser les histoires de guerre d'autres personnes, de violence, d'autres personnes sont en train de vivre à ce moment. Et en même temps, ce qu'il a senti, c'est que c'est un sujet qui est vraiment à la mode. Il y a aussi des artistes issus de lieux où il y a une guerre. Ils sont aussi à la mode. C'est un peu difficile à dire parce que c'est quand même quelque chose de grave. Mais en même temps, on est intéressé de voir des œuvres des gens qui souffrent d'une violence à ce moment. Et un peu, ces deux questions, ils sont un peu mélangées dans le travail. Pas littéralement, mais quand même, sur scène, on voit des œuvres qui parlent de la violence et qui parlent notamment de la guerre en Syrie. Et il y a un groupe de visiteurs sur scène qui vont regarder ces œuvres. Et ce groupe, ce sont des gens qui sont venus, qui sont des réfugiés. Donc là, il y a une grande tension entre ce qui est montré et ce qu'on voit que les gens vivre à un moment où ils regardent un œuvre plastique. Sur scène. Il y a aussi le public qui regarde les gens regarder les œuvres. Donc il y a tout un jeu comme ça de regard et de en fait de se mettre en place de quelqu'un d'autre dans une histoire de quelqu'un d'autre en fait. Sur scène, vous êtes quatre artistes et il y a cinq réfugiés qui sont réellement des réfugiés qui vont être associés à cette présentation, à ce spectacle. Ouais. Donc on est trois sur scène seulement, trois performeurs, et puis on cherche toujours à chaque lieu où on joue, on demande les gens du lieu et en collaboration, on cherche cinq personnes qui sont réfugiées en fait. Et qui habitent autour du lieu où on joue. Et puis on travaille avec eux pour un moment, et puis ils sont là avec nous sur scène. Mmh. Et ça provoque des questions, bien sûr, parce que ouais, c'est assez dur de voir ces œuvres par les yeux des gens dont on ne sait pas vraiment l'histoire, mais on peut imaginer les histoires, on connaît les histoires. Qui sont dans nos journaux, qui sont sur la télé, tout ça. Donc, en fait, les gens, je pense, dans le public, ils font tout un travail de s'imaginer ce que ces gens qui voient sur scène s'imaginent. Mmh. Parce qu'en effet, c'est les réfugiés, pour eux, la guerre, ça a été une réalité, contrairement aux autres artistes sur scène. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et on, ce qui est mon rôle, par exemple, moi, je joue une sorte d'intermédiaire, quelqu'un qui a invité ce groupe dans le musée, notamment pour faire un tour spécialement pour eux dans ce musée. En fait, dans cette idée qu'on connaît maintenant partout, qu'il faut travailler sur les autres publics, il faut inviter toutes sortes de publics, des publics variés dans les théâtres, dans les musées. Et là, il y a aussi une tension parce que c'est quand même, donc c'est un but assez clair et assez ouvert à tout public, mais quand tu vas mettre un groupe de réfugiés à côté des œuvres qui parlent de la violence, c'est autre chose, quoi. Donc il y a à nouveau une friction qui est mise en œuvre sur scène. Donc c'est toutes ces frictions, en fait, qui font le spectacle. Mmh. J'ai lu une phrase de référence du spectacle, comme Julian Hetzel en parle. Il parle de la création à travers la destruction. C'est le sujet du spectacle. Ouais, c'est une phrase qui vient souvent de ma bouche sur scène, parce que comme je fais les explications sur les œuvres, et comme il y a aussi en live, il y a les discussions avec le groupe qui est là le soir. Donc ils sont invités à exprimer leurs émotions en direct. Et moi, je joue avec dans le spectacle. Et c'est notamment sur ce truc de destruction qu'on parle beaucoup. Donc moi je parle de la... C'est une théorie qui est pas nouveau dans les arts. Qui a, la destruction est là pour avoir un nouveau futur, pour pouvoir évoluer. Il faut détruire quelque chose. Et une renaissance. Oui, une renaissance, ou pour rendre quelque chose plus unique, par exemple, on le détruit et puis la destruction, c'est toujours unique. Donc si tu casses quelque chose, ça devient quelque chose unique, quoi, parce qu'il y a toi qui l'as cassé et c'est comme ça. Donc c'est un discours qui cause à nouveau une certaine friction, parce que mon personnage, par exemple, parle de la beauté de la destruction, et c'est bien sûr autre chose pour quelqu'un qui a vécu dans une destruction absolue, qui est la guerre, bien sûr. Là, l'espace de spectacle, de théâtre, on assiste à une forme de déambulation, comme si on se retrouvait dans dans un musée, dans une exposition temporaire, ouais. C'est ça ? Oui, ouais, c'est ça. C'est ça qu'on a essayé de mettre sur scène. C'est vraiment un musée, et les cellules changent pendant les spectateurs le voient. Donc il y a un travail de mes collègues qui font tourner les salles, en fait. Voilà. Ouais. Et moi, je veux pas dévoiler plus, parce que sinon... Bien sûr. Ouais. Si ce n'est que c'est dans l'esprit de Julian Hetzel, le metteur en scène, qui est par ailleurs, un artiste avec une œuvre protéiforme. Il est pas seulement metteur en scène, créateur de spectacles, mais il est également plasticien et musicien. Ouais. Et je crois que le résultat du travail que vous allez présenter sur scène, c'est aussi le fruit de cela, de ce croisement des disciplines artistiques. De la performance, de l'art média, de la musique, des arts plastiques. C'est ça. Parce que aussi, il y a les œuvres d'art qui sont là présentes dans le musée. Donc ça, là, c'est des œuvres d'art plastique. Il y a la performance. On a une chanson aussi qu'on fait live. Voilà, oui. C'est un peu un mélange de toutes ces forces, en fait, de Julien. Alors j'ai lu également que c'est un regard critique sur la frontière ténue entre engagement et exploitation, parce que à la fois il faut montrer ce qu'est l'horreur de la guerre, et en même temps de là à en être à exploiter cette horreur là, ça crée débat forcément dans la société. Oui, bien sûr, parce que le spectacle elle-même, elle n'est pas libre de ce qu'elle critique, en fait, parce que Oui, on collabore avec les gens sur place, mais en même temps, on leur utilise aussi dans le spectacle d'une certaine manière. Et ils sont préparés, ils savent ce qu'ils vont faire, mais en même temps, on est là que pour 2 jours, donc on fait pas un long travail avec eux. On essaye de les préparer le plus possible, mais je dois dire, il y a des lieux, il y a des spectateurs qui trouvent que ça va trop loin. Donc on est vraiment sur une sorte de ligne assez fine. Le fil du rasoir, comme on dit en France. Oui, c'est ça. Et aussi pour les comédiens, ça reste quelque chose qui n'est pas facile à faire et pas facile à vivre humainement aussi, mais en même temps, on trouve ce contenu assez important à raconter. Donc, et moi, je dois dire que je pense que si un spectacle va assez loin dans ce qu'il propose, l'effet est peut-être un peu plus grand, ça fait un peu mal, mais peut-être c'est plus effectif aussi parce que tu peux pas marcher, rentrer chez toi sans sentir quelque chose après ce spectacle, je pense. Donc, c'est une critique qu'on entend souvent par des gens qui sont venus voir que ça ne laisse pas d'espace pour oh oui, c'est un spectacle et je rentre et c'est bon quoi, ça entre vraiment dans ta vie, donc voilà. Et aussi parce que comme les spectateurs sont là, ils sont mis aussi dans une sorte, ils collaborent aussi, parce que un spectacle on ne peut le faire que quand il y a des spectateurs, et c'est fait ainsi que tu te sens aussi coupable en tant que spectateur s'il y a une question de culpabilité, bien sûr, parce que là on peut discuter aussi longtemps si. Oui. C'est à qui la culpabilité, c'est ça. Oui. Le spectacle parle en effet de l'ambiguïté que recèle la beauté potentielle de la destruction. J'ai dit beauté potentielle. Comment associer le mot beauté à destruction et à l'horreur? Le fait que les événements les plus horribles peuvent avoir un immense potentiel esthétique, c'est aussi de cela qu'il est question. Alors, je vais lire pour finir cet entretien une phrase de ce Julian Hetzel qui parle de sa démarche et qui nous aidera peut-être encore plus à comprendre et à nous inviter à venir découvrir ce spectacle prochainement, donc à l'affiche à Cergy-Pontoise le jeudi 12 mars à 19h30 au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Il dit la chose suivante, et vous allez peut-être pouvoir réagir. Il nous faut réajuster notre réalité. Il faudrait embrasser l'ici et maintenant et lâcher l'idéalisation du monde. J'espère que nous serons capables d'apprécier un coucher de soleil, même si l'horizon est une décharge. Cela peut sembler naïf, mais si nous laissons les images aux médias et aux terroristes, ce sont eux qui gagneront la bataille. Il nous faut trouver d'autres moyens d'aborder la réalité. En même temps, c'est dérangeant forcément, mais oui, il faut arriver à ne pas forcément être dans l'idéalisation. Ouais, c'est difficile à ajouter encore quelque chose là-dessus, mais je suis d'accord avec lui. Mais en fait, ce qui se passe à une soirée pareille qu'une soirée all-inclusive, c'est qu'on a tout le monde ensemble pendant 2 heures, et c'est dur, et c'est les images sont dures, les pensées sont dures, les discussions sont dures, mais en même temps, on sait, on est ici, dans le théâtre, et c'est la réalité, et pas, c'est ici et maintenant, on est tous des humains, et on peut partager ce contenu qui est pas facile, et je pense qu'il y a là la force un peu de ce spectacle aussi, qu'on le vit ensemble quand même. Voilà, et sans être dans l'idéalisation du monde, il faut pas pour autant être non plus dans la banalisation de ces images. Non, pas du tout. Merci Christine de Proust pour votre présence sur les ondes de notre radio locale. Le spectacle, je le rappelle, All Inclusive, aura lieu le jeudi 12 mars à 19h30 au Théâtre des Louvrais à Pontoise, à l'affiche de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. À bientôt ici à Cergy-Pontoise. Merci. Merci à vous.